aliénation et magie noire. Il s'agit d'aliéner dans des réceptacles de magie noire, conscient et prémédité. Les médecins favorisent la magie par leur thérapeutique irascible et stupide. C'est par les médecins et non par les malades que la société a commencé. Ceux qui vivent, vivent des morts. Et il faut aussi que la mort vive. Plus sinistre et crapuleuse magie passe ses morts à l'électrochoc. Voilà un signe thérapeutique afin de bien chaque jour vider ces haras d'hommes de leur moi. Les présenter ainsi dit, ainsi fantastiquement disponible. Et officiellement la mort, la médecine présente l'entreprend, favoriser un reflux du néon n'a jamais profité à personne, et dont certains profiteurs la destinée de l'homme se repère depuis longtemps. Depuis un certain point du temps. Le cœur. Celui, il a fallu choisir. On renoncer à être homme. Perdu, un aliéné et bon. Mais quelle garantie les aliénés et bon de ce monde ont-ils d'être soignés par d'autres antiques? Un rumor de treboada, un sordo murmullo del río enrabillado. Después, nada, silencio. Un mesto silencio de noite nevada ou de terra erma. Ten piedad de nós, los probes parvos, contamos os caminos das estrelas. Y embobados na música celeste, esquecemos a fórmula de los mundos. Un pouco parvo, non comprendo, nunca empou en saber para que sirve, moitas cousas escuras. Cando te adentro saí da súa toqueira, como un furón de sonhos a saudade. Súpeto, los límites lonchanos del horizonte y todo el resplandor de una ciudad en llamas. Cozume, como una palmera gigantesca, abrió sus brazos ardentes y desapareció por la bóveda celeste un escuro anuncio de muerte. Vested murder are those who preach against it. And the vested hate are those who preach love. And the vested war, finally, are those who preach peace. There is genius in their hatred. There's enough genius in their hatred to kill you, to kill anybody. Consider their failure as creators only as a failure of the world. Not being able to love fully, they will believe your love incomplete. And then they will hate you, and their hatred will be perfect. Like a shining diamond, like a knife, like a mountain, like a tiger.